Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, la coopération judiciaire. Pourquoi me l'avoir caché ? Du devoir mutuel et universel. Vous êtes tous en état d'arrestation. De la réciprocité punitive entre les ressorts souverains. On peut maintenir une société avec la peine de mort, ça n'a aucun impact sur la criminalité. Ces négociations, très souvent, ont lieu dans une dynamique de type diplomatique. On attache le supplicié sur la roue, c'est des sortes de panneaux indicateurs. Attention, vous entrez là, dans une seigneurie où on applique la justice. Entre le XVIe et la fin du XVIIIe siècle, toute femme non mariée enceinte doit se dénoncer ou est dénoncée. Galérien, parez à Souquet ! La durée des peines n'était pas respectée, donc que vous soyez condamné à 5, 10 ou à perpétuité aux galères, vous ne saviez pas quand vous sortiriez des galères. Vous êtes un familier d'Histoire vivante, cher invité. Néanmoins, vous le savez bien, c'est la coutume. Quand on s'est présenté, on y a déjà dérogé. Mais là, je vais vous demander finalement de réitérer l'exploit. Mais peut-être, puisqu'en fait vous êtes déjà venu au micro d'Histoire vivante, Fabrice Brandly, arriveriez-vous à, au travers de, du crayon de votre mémoire et de votre imagination, à esquisser votre autoportrait? Je suis chargé de cours à l'université à Genève, et puis j'appartiens aussi à une équipe de recherche qui s'appelle Damoclès, et qui a vocation à travailler dans une perspective historique de plus ou moins longue durée sur des enjeux juridiques, de police, d'ordre social, d'institutions à la fois de contrôle et de répression. Et voilà, donc c'est un peu dans cette perspective-là que le dernier ouvrage paru sur la coopération judiciaire a vu le jour. Dont nous allons parler, mais avant qu'on y aille, le temps ancien avec le temps moderne, quand il s'agit évidemment de justice, de droit de punir, on voit à quel point les possibilités de thématiques communes existent, mais essayez de nous faire comprendre dans quelle mesure il faut quand même malgré tout prendre d'infinies précautions, parce qu'il ne s'agit pas de faire coller au temps ancien les concepts et puis l'approche que l'on peut avoir de notre temps moderne. Donc comment on arrive à la fois s'inspirer du temps présent en auscultant le temps ancien, cet aller-retour-là pour éviter justement les confusions, comment s'y prend-on ? Sans doute que le modèle le plus parlant, c'est celui de l'ethnographe. Un historien, c'est un ethnographe dans le temps, c'est-à-dire à partir d'une situation qui est la nôtre. Et l'historien parle à partir de ses propres préoccupations. Hein. La globalisation, la violence terroriste, la question de l'extension des droits, enfin, qui sont des enjeux fondamentaux de la période contemporaine. Et il les envisage en la perspective de la profondeur du temps, dans un dialogue, qui est un dialogue, oui, qui tient un peu de l'ethnographie, d'une certaine manière, avec des sociétés qui ont disparu, avec des mondes qui ne sont plus là, mais qui en même temps ont produit probablement une partie de la culture qui est encore la nôtre, des outils, des concepts, des notions, des débats, des conceptions du monde contradictoires, et dont nous sommes les héritiers, hein, donc c'est quelque chose à la fois extrêmement dynamique, hein. Et puis vous avez raison, un ethnographe, hein, doit faire attention à l'anachronisme, doit faire attention à ne pas imposer son propre, monde culturel, son objet d'étude, et d'une certaine manière, l'historien fait la même chose. Donc à partir de préoccupations qui sont des préoccupations contemporaines, qui sont les siennes, il essaye d'envisager un sens, une signification, en étant respectueux, je dirais, de l'ordre de la rationalité des sujets qu'il étudie, comme ça, sur la longue durée. Mais toute la difficulté, c'est d'arriver en même temps à le communiquer, car vous n'êtes pas sans l'ignorer, Fabrice Brandly. Les anachronismes sont nombreux dans les propos de nos contemporains, et ça ne date pas d'hier, la chose est ancienne, on va vite dans le lieu commun, on va vite dans le raccourci. Donc ce travail de propagation, si j'ose dire, d'un certain sérieux dans l'étude, il est difficile tout de même à communiquer. En soi, on n'a pas l'impression d'une réussite pleine et entière. si vous envisagez la question de l'instrumentalisation politique, par exemple, de l'histoire, oui, bien sûr. Si vous envisagez des formes d'utilisation intéressées de l'histoire qui n'ont pas peur de l'anachronisme, mais pour des raisons, en réalité, qui dépassent complètement le problème de l'histoire, tout à fait. Une fois ça réglé, ce qui est important, je pense, à faire passer comme message, et c'est ce qu'on essaye de faire notamment avec les étudiants à l'université, c'est de ne pas avoir peur de l'étrangeté, c'est-à-dire de partir à partir d'une réflexion contemporaine, à partir de problèmes qui sont les nôtres, et puis de se confronter à des sociétés qui traitent ces problèmes-là de manière étrange, de manière déroutante. Extraterrestre, qui donne en tout cas des réponses qui ne sont plus les nôtres aujourd'hui. Et ce qu'on doit essayer de comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi ces réponses-là et pas d'autres? À quel type d'univers mental ça correspond? À quel type d'idéaux, de représentations idéales de l'ordre, de la société, du rapport entre les groupes, les individus, ça répond? On a vu hier avec Michel Poré l'origine de cette revue Beccaria. Là, on en est au numéro 3. Vous en êtes le grand coordinateur. Ça représente un boulot qu'on imagine assez conséquent, et vous allez pouvoir nous en parler. Mais venons d'abord peut-être à l'origine de ce numéro-là. Ça vient d'où, cette histoire-là? Alors, cette histoire, elle vient d'une rencontre à l'occasion d'une journée d'études entre des collègues de Genève, de Suisse, internationaux aussi, italiens, français, belges, sur une question toute simple, c'est qu'est-ce que la coopération judiciaire? Quelle est la coopération judiciaire du point de vue des historiens? De nouveau, c'est un problème tout à fait contemporain. Ce qui était très frappant, c'est une journée donc qui a eu lieu en 2014, et ce qui était très frappant, c'était la façon dont le terrorisme, les attaques terroristes, étaient traitées à la fois par les médias et par le monde politique. Moi, je me souviens très bien, notamment, des positions très dures de Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur français de l'époque, contre les Belges. Les Belges étaient incapables d'une coordination policière efficace sur Molenbeek, avec un discours comme ça qui restaurait une sorte de frontière d'une certaine façon. Il y avait la France d'un côté, les Belges de l'autre, et puis un discours de la bonne et de la mauvaise police qui avait de la difficulté à traverser cette frontière à la fois politique, mais en même temps probablement symbolique. Et le grand absent de tous les discours sécuritaires que le terrorisme a fait naître en Europe, c'était la coopération judiciaire. Autant on parle de coopération policière, de manière assez facile, je sais pas, de manière en tout cas assez courante. En revanche, la coopération judiciaire pose un véritable problème. Grand absent. Et sous le registre, effectivement, la plupart du temps, du silence. Et ça, c'était quelque chose de très étonnant, au fond. Qui n'allait pas de soi. Qui n'allait pas de soi du tout. Et c'est à partir de ce silence-là qu'on a essayé de réfléchir avec le petit groupe qu'on a réuni autour de Damoclès sur ce que signifie la coopération judiciaire sur la longue durée. Autrement dit, est-ce que cette absence visible de coopération allait de soi ou n'allait pas de soi? Et dans quelle mesure éventuellement elle s'était peut-être construite dans le temps, partant d'un point où il y avait plus de coopération? Qu'est-ce que c'est que, d'aller chercher quoi, dans le fond, d'aller chercher les réponses d'avance et... Disons que le problème qu'on a essayé de traiter sur la longue durée, c'est une tension. C'est une tension entre deux choses. C'est une tension entre un imaginaire de la globalisation, un imaginaire de la mondialisation, mondialisation de l'attaque, l'international terroriste qui est capable de frapper à peu près partout, et puis une globalisation du monde libre. Voilà, un monde décloisonné de toutes les façons possibles. Et ce que montrait la menace terroriste, c'est qu'en réalité, derrière le discours de la globalisation, apparaissaient très très rapidement, je dirais, des sortes de réflexes pratiquement, qui n'avaient rien à voir avec la globalisation, mais qui renvoyaient beaucoup plus à une très vieille conception de la souveraineté territoriale, avec un discours politique et médiatique qui a tendance à renvoyer cette conception-là au populisme, hein, au nationalisme. Au fond, il y aurait quelque chose de l'archaïsme, c'est les frontières, la souveraineté nationale, ce genre de choses. Et puis, il y aurait quelque chose de la modernité, c'est la globalisation, l'ouverture des espaces, l'abandon des frontières. Et en réalité, la menace terroriste, les actions terroristes ont montré que les choses sont beaucoup plus compliquées sur la longue durée et que dans notre tête à tous, probablement, coexistent ces deux pôles en tension, à la fois l'ouverture, la mondialisation, la grande échelle, bon. Et puis le précaré, l'idée au fond qu'il faut se défendre. Fabrice Brandly, quand on monte ce genre de journée, ce genre de colloque, est-ce que on ne fait qu'inviter les gens qui risquent de vous donner raison, ou de donner raison à la ligne éditoriale, ou au contraire, on ouvre également à des choses qui pourraient ne pas aller dans le sens de ce qui a été indiqué. Comme vous parlez finalement de quelque chose qui est en tension et en contradiction, on peut largement imaginer que c'est ouvert toutes les possibilités. Alors, c'est ouvert par définition, puisque c'est un objet, et ça, ça a été la première surprise, qui est très peu traité. Très, très peu traité. Et pourtant, on peut à juste titre se dire que le contexte contemporain que j'évoquais à l'instant aurait suscité des recherches, des livres, des monographies sur la longue durée, sur la période contemporaine. C'est dans l'angle mort, là. Là, il y a quelque chose qui procède d'un silence. Et le silence n'était pas simplement politique ou médiatique, mais il y a un silence aussi, d'une certaine manière, académique, hein, sur ce qu'est la coopération judiciaire, sur ce qu'est l'entraide judiciaire de façon très large. Donc, ça pouvait être couvert parce que, dans une certaine mesure, c'est un sujet assez inédit aujourd'hui encore. Et la tension que j'exprime, hein, entre globalisation et souveraineté nationale, si vous voulez, en le disant vite, eh bien on la retrouve à la fois chez les acteurs historiques et chez les historiens. Ce qui était intéressant dans les débats, c'était une double conclusion en tension, irrésolue pour l'instant. Est-ce que la coopération judiciaire renforce l'état pénal, ou est-ce que la coopération judiciaire, au contraire, est une menace contre la souveraineté de ce même état pénal? Et là encore, il faut constater qu'il serait mieux de remplacer la conjonction de coordination ou par celle de et. C'est plutôt une addition que une chose qui en soustrairait une autre. Alors c'est l'une des conclusions pour l'instant, voilà, provisoire, hein, puisque les travaux mériteraient d'être chantier en cours. Ah ouais, chantier en cours mériterait vraiment d'être mené à grande échelle, de façon collective, hein, et de façon comparative aussi, en fonction des traditions juridiques des différents États, d'abord occidentaux, européens, mais on peut évidemment penser ça à l'échelle internationale, mondiale, bon, globale. Mais effectivement, il n'y a pas de solution tranchée de ce point de vue-là. Ce qui était quand même très remarquable sur la longue durée, hein, puisque ce sont des travaux qui portent grosso modo de la fin du XVe siècle jusqu'au mandat d'arrêt européen, c'est-à-dire tout à fait actuel, hein, puisque c'est le dispositif qui a été utilisé dernièrement par l'Espagne à l'encontre des leaders catalans réfugiés, notamment à Bruxelles. Donc on était vraiment dans une perspective de très très très longue durée. Ce qui me semblait tout à fait remarquable, l'un des points communs, si vous voulez, qui apparaissait, c'est la part de négociation entre les acteurs étatiques. C'est à la fois une question de droit, il s'agit bien de coopération judiciaire du point de vue pénal, hein, et puis c'est à la fois une question politique, puisque ces négociations, très souvent, ont lieu dans une dynamique de type diplomatique, si vous voulez, hein, relations internationales. Observe. observons de plus près, Fabrice Brandly, le menu. Vous nous avez indiqué qu'il y avait effectivement un éventail historique assez large. On en entendra cette semaine quelques exemples. Ça aussi, ce type de choix où il s'agit de donner une illustration de ce que peut être le thème au 15e, 16e, 19e, etc. Comment on fait, comment on procède? Est-ce que ça sous-entend que dès lors que le terme de choix doit arriver, on est dans la cruauté absolue et la difficulté de passer le coup de fil en disant « je suis désolé mon vieux, ça sera une prochaine fois ». Comment ça se passe? Le choix qui a été opéré au gré des discussions, de nouveau, hein, qui n'était pas un choix nécessairement programmé par avance, ça a été d'abord de réfléchir du point de vue des normes, c'est-à-dire comment les normes de la coopération judiciaire se sont progressivement constituées, et puis ensuite d'évaluer l'interaction entre ces normes et les pratiques. Il y a toujours évidemment un écart entre normes et pratiques. Ce qui est très frappant du point de vue des normes, c'est d'abord leur précocité. Très tôt, il y a un discours juridique sur la nécessité de la coopération judiciaire. Et très tôt, ce discours juridique porte une tension ou une contradiction. Est-ce que la nécessité de la coopération judiciaire est de l'ordre de la morale? C'est-à-dire, il est bien qu'on coopère de manière juridique, mais il n'y a pas de contrainte. Ou est-ce qu'au contraire, la coopération judiciaire appartient à un droit contraignant, oblige au fond les différents acteurs à coopérer? Ce discours-là, on l'entend très vite, hein, avec Jean Bodin, par exemple, à la fin du XVIe siècle, hein, dont l'un des six livres de la République, où il explique qu'il y a une obligation mutuelle absolue d'entraide judiciaire pour les crimes les plus épouvantables, à ce point absolu d'ailleurs qu'en plein cœur des guerres de religion, Bodin dit « la confession n'a rien à voir avec ça ». À tel point d'ailleurs que le sultan turc, même l'Empire ottoman, est obligé à la coopération judiciaire. Donc il y a quelque chose d'important dans ce basculement, c'est au fond probablement l'une des premières étapes de sécularisation d'un enjeu juridique. La question religieuse ne devrait pas entrer en ligne de compte. Mais dès lors qu'un émetteur affiche cet avis, espérant ainsi quand même que l'autre ou les autres le rejoignent, il déséquilibre la balance, si j'ose dire. On ne peut pas imposer ça d'où que l'on soit, parce que d'une certaine manière, chercher à l'imposer, c'est la garantie d'un insuccès. Alors c'est ce que dit en effet une partie de la tradition juridique, hein, du droit des gens, hein, l'ancêtre, pour le dire vite, du droit international, qui dit au-dessus des États souverains, il n'y a rien. Voilà, les États souverains sont à l'état alloué de nature. Voilà, sont à l'état de nature. L'image qu'on a comme ça de la coordination internationale, l'ONU, hein, bon, tout ça n'existe évidemment pas à l'époque moderne. Hein. Les États souverains sont souverains et au-dessus d'eux, il y a Dieu, personne d'autre. Hein, donc il n'y a pas d'instance de médiation. Et effectivement, toute une tradition juridique dit, bon, ben, c'est très joli votre idéal de coopération judiciaire, mais quelle est l'instance qui impose, hein? Quelle est l'instance qui impose? Et d'une certaine manière, c'est un idéal qui appartient à la morale, mais qui n'appartient pas au droit. Cette tradition, elle est combattue. Cette tradition, elle est combattue notamment par des juristes suisses, je pense à Aimer de Vatel, en 1758, hein, qui explique à quel point la coopération judiciaire est une obligation légale, et que celui qui ne s'y prête pas, le prince qui s'y refuse, se trouve complice du crime qui, je dirais, fait le contentieux de la coopération. Mais pardonnez-moi, mais quand il pose la carte sur la table de l'obligation légale, il a quelque chose sous la main et... Bien sûr, ça reste toujours quelque chose d'idéal, il n'y a pas les casques bleus. Et là, c'est, je dirais, la part de négociation de la coopération judiciaire. La coopération judiciaire implique réciprocité. Refuser la coopération judiciaire, c'est prendre le risque qu'en retour, les États, qui sont peut-être vos États voisins, État limitrophe, la frontière criminelle est toujours quelque chose de très problématique de part et d'autre, eh bien, adopte la même position. Vous nous indiquez, Fabrice Brandly, que ça passe notamment par un personnage, par un Suisse. Est-ce que ça laisse à penser que la Suisse, là, joue un rôle assez important dans cette recherche, dans cette affirmation de l'espoir d'une coopération ? à double titre. D'abord parce qu'il y a une tradition juridique suisse sous l'Ancien Régime. Je pense par exemple à la grande école du droit naturel helvétique, Emer de Vatel en fait partie, qui a une tradition juridique extrêmement forte, qui est corrélée simplement à une tradition politique, qui est celle d'un État, voilà, c'est le corps helvétique, d'un État composite, d'une ligue de républiques, qui, pour subsister, a été obligé de mettre en place très très tôt des règles juridiques qui, pour le coup, sont les conditions sine qua non de l'existence même du corps politique suisse. Et puis, le second aspect, mais qui est corrélé à ce premier aspect juridique, c'est un aspect extrêmement pratique, qui dit corps helvétique, dit succession extrêmement serrée de zones frontalières. Donc il faut gérer, de manière très très pratique, des zones frontalières qui sont perçues par les États comme des zones de danger criminel. Ce qui, d'un premier temps, pourrait apparaître idéal, répond en fait à une logique très pragmatique en fonction des situations. Toujours. On est dans le concret. Toujours. Toujours. Ça, c'est, je dirais, c'est un point fondamental de la culture politique d'Ancien Régime. Ce qui est normalisé par le droit provient toujours de la pratique. On pourrait dire, en une phrase, le droit sous l'Ancien Régime, est une systématisation de la pratique. Numéro 3 de la revue Beccaria, Fabrice Brandly, vous en êtes le coordinateur. Rappelez-nous-en le titre. C'est la coopération judiciaire du XVIe siècle à nos jours, et qui, sur la longue durée, propose 9 contributions dans un espace géographique étendu à l'ensemble de l'Europe, avec une attention plus particulière, c'est vrai, je dirais, sur l'espace helvétique, mais on parle aussi de la France, de l'Italie, enfin de l'Europe en règle générale. Et puis, voilà, qui pense, depuis les années 1480 à peu près jusqu'à nos jours, les modes, les modalités de la coopération judiciaire pénale. Et tout le monde peut lire ça ou c'est un peu compliqué? Il faut se gratter la tête, il faut avoir des copains traducteurs. Bah, disons, je suis pas sûr que ce soit le livre qu'on prend à la plage, mais si on est intéressé par le sujet, ça reste quelque chose quand même de très accessible. Quand on a ce genre d'objets, est-ce qu'on peut arriver à les imaginer mixtes? Effectivement, une version destinée aux gens des académies qui pourraient le renouveler, s'y intéresser. Mm-hmm. Mais avoir également la version Marabout Junior, si j'ose dire, l'objet grand public. Parce que, comme vous le disiez au départ, au fond, on est quand même avec un travail qui peut permettre de renouveler les lunettes qui nous permettent de regarder le monde moderne, et notamment des données comme le terrorisme ou la mondialisation. Donc on l'attend, la version qui nous permet de comprendre un peu le monde dans lequel on vit. Alors avant le Marabout Junior, je pense qu'il y a un peu de travail quand même. Ce qui reste à faire, c'est une série de monographies à l'échelle, en tout cas à l'échelle européenne, sinon internationale. C'est très peu documenté, de nouveau, du point de vue des pratiques, du point de vue des institutions, du point de vue du fonctionnement juridique. Donc il est, pour l'instant, nécessaire d'opérer une première phase, qui est une phase de construction académique d'un objet encore mal délimité. Et puis à partir du moment où il y aura 2 ou 3 monographies un tout petit peu solides sur cet objet-là, le Marabout Junior sera effectivement le bienvenu. Et quand vous dites monographie, c'est-à-dire ça peut s'écrire, si vous vous appuyez sur votre travail à vous personnellement, parce qu'on n'en a pas encore dit un mot, mais vous n'avez pas fait que coordonner, vous avez vous-même rédigé, vous pourriez à partir de votre article estimer avoir plus de temps pour aller jusqu'au bout du travail, et ça serait notamment l'une des pistes. Alors oui, bien sûr. C'est qu'avez-vous travaillé, vous? Alors moi, c'était sur les normes. Moi, je me suis intéressé, dans ce numéro-là, essentiellement aux normes juridiques, où j'ai essayé de comprendre ce que produisaient les juristes dans leur cabinet à propos de la coopération judiciaire. Des juristes dans leur cabinet qui sont, par ailleurs, souvent des magistrats. Et donc on revient sur cette idée que la normalisation de la coopération judiciaire dans des grands traités juridiques, en réalité, provient d'une pratique du terrain par des magistrats qui, en fonction des circonstances, en fonction des contentieux très précis auxquels ils ont été confrontés, eh bien, essayent de déterminer des règles. Alors ces règles, elles portent sur deux objets, c'est-à-dire à la fois qu'est-ce que la coopération judiciaire, quand ça commence et quand ça finit. Alors ça commence très vite, par exemple la circulation des signalements criminels sous l'Ancien Régime. Bon, on s'imagine bien qu'il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'empreinte digitale. Donc ce sont des signalements manuscrits qui nous déconcertent un tout petit peu aujourd'hui d'ailleurs. Quand vous lisez « yeux ronds, nez rond, vérolé, cheveux noirs », bon, vaut mieux pas se trouver dans les parages et ressembler un peu à ça. Vous imaginez qu'il y a un certain nombre de visages qui probablement pourraient ressembler à ça, et pourtant ça marche. Il y a des travaux qui ont été faits à ce sujet. Je pense notamment à un très joli article sur la signalétique criminelle de Caroline Queneau, qui a été publié dans Crime, Histoire et Société, qui est tout à fait fascinant de ce point de vue-là. Et on aurait envie de faire une œuvre artistique de manière un tout petit peu systématique pour les peindre, pour les faire apparaître, ces portraits. Donc cette circulation, de signalement, c'est une des premières formes extrêmement pratique et très précoce, puisqu'on a des signalements dès la fin du Moyen-Âge qui circulent. Et puis ensuite, on a des dispositifs de type administratif qui ont vocation à garantir le respect mutuel de la souveraineté. On peut pas faire de la coopération judiciaire n'importe comment. Et la précaution qu'il s'agit de prendre, c'est de rendre possible la coopération judiciaire entre des États de puissances différentes. Donc il ne faut pas que la coopération judiciaire soit un instrument de la domination politique. Oui, différente, sous-entendant inégale. Inégale. Donc il faut qu'un tout petit État et un grand empire puissent faire de la coopération judiciaire sans que le petit État soit lésé dans ses droits de souveraineté. Donc se met en place, au gré, d'une culture procédurale, un certain nombre d'obligations qui permettent la coopération judiciaire. Et puis quand elles sont pas remplies, c'est pas possible. Elles ne se passent pas. Moi, j'ai un exemple très très pratique en tête. C'est les requêtes que fait la France au XVIIIe siècle pour récupérer des esclaves fugitifs. Elle fait ses requêtes en Suisse, notamment, lorsque des esclaves s'échappent de leur maître et viennent se réfugier en Suisse. Or, le droit public européen estime que l'esclavage n'existe pas sur le sol européen. Alors, en France, il y a des dispositifs de dérogation, si vous voulez, qui permettent aux colons français de venir avec leurs esclaves pendant un an ou deux, c'est limité dans le temps, bref. La réponse du corps helvétique de manière systématique, c'est, écoutez, vous êtes bien gentils, vous avez mis en place des dérogations juridiques, ça vous regarde, c'est pas les nôtres, les esclaves marrons qui sont en Suisse sont libres. Et les seules procédures judiciaires que les Suisses vont engager sur ces esclaves marrons, donc fugitifs, ce sont des procédures s'il y a un contentieux autre que l'esclavage. Et les deux ou trois papiers juridiques qu'on a sur ces bons hommes, qui sont très jeunes d'ailleurs, c'est très frappant, ce sont des types qui ont 12, 13, 14, 15, 17 ans, et qui s'enfuient comme ça en Suisse, c'est assez rocambolesque comme situation. Et bien les quelques papiers juridiques qu'on a, ce sont sur des contentieux que les Suisses admettent, comme le vol par exemple. Fabrice Brandly, merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. On est obligé malheureusement d'interrompre là notre conversation, mais la suite viendra, et ce dès demain, puisque toute la semaine, on s'intéresse à ce numéro 3 de la revue Beccaria. Merci encore Fabrice Brandly. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Réalisation, Jean-Philippe Zvalon. Assistana de production, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.